Una vegada més us donem la benvinguda a la Music amb aquesta cançó de la French Girl, aquesta peça que es diu Music i que cada vegada obre les portes amb el nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, el programa dedicat a la música en francès. Amb els nostres col·laboradors habituals que ens acompanyen una vegada i una altra i que avui també tindrem com a destacats companys de viatge amb aquest espai. Comencem precisament amb la primera cançó, que és la que aquesta setmana ens recomana la nostra col·laboradora, la Norma. En Michel Verger, que ja ens ha dedicat unes quantes, doncs avui també ens en porta una d'ell. És una excel·lent cançó, Salut Guichon, que ens aporta en Michel Verger. Et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous. Il cherche ce qu'il voudrait comme nous. Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. Retrouve la vie. Retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. Celui qui chante. Celui qui chante. Així hem escoltat la música d'aquest personatge. Anem a destacar avui dins el nostre espai un dels nous joves valors de la música francesa, Guillaume Stankiewicz, del que es diuen que és el que ens fa recuperar la confiança en la música en francès. Segons ens diu Edgar Ducasse, té l'aire encandilador d'un Rodrigo Amarante. Escoltin, per exemple, el Mon Nom de l'artista brasiler i després de Guillaume, i entendran per què aquest personatge ens diu que aquest francès juga a la mateixa lliga que el cantant brasiler, ja sigui amb la seva guitarra o amb el seu aspecte de cantautor hipster. Precedit per dos EP digitals igual de recomanables del 2014 i del 2016, arribava el seu primer àlbum oficial anomenat Els Anys, publicat per La Souterrain el 2017. Una música excepcional que avui recordarem, que avui escoltarem a través d'aquest personatge. Des del 2016, en Guillem Stankiewicz ens porta la seva música. Ah, ces frais enfants que nous sommes. Est-ce tout? Est-ce qu'on grandit un jour? Est-ce que la vie se donne? À plat de gris, fil monotone. De nos jours, la repaque ennuie. Dites-moi, dites quand la vie se donne. C'est sans cesse. Sans bruit, qu'à nos jambes s'enroule l'envie, la soif d'alcool et de vie. L'avenir qui n'arrive pas et que l'on s'épuise à attendre, qu'on rêve plus qu'on ne le prévoir. Le monde va et nous abandonne, loin de tout et de toute rive. Dites-moi, dites quand la vie se donne. Sans bruit, qu'opiniâtre nous revient la vie, érodant l'absence et le vide. Et que l'on s'épuise à attendre, qu'on rêve plus qu'on ne le prévoit. Nous revient la vie, érodant l'absence et le vide, et le vide, et le vide. Ah, ah. si en plus fugace que le vent glisse de mes mains, m'habille, me fuit et me laisse comme un vide au-dedans. Vers où s'en va-t-il et à qui se donne prodigalement dans d'autres chambres, dans d'autres villes. Il se fait moins tard qu'ici, moins tard que je ne le suis. Le temps nécessaire, dilapidé en rêves éveillés, c'est bientôt lassé de faire de ses bras un lit aux dormeurs inquiets. Le temps que j'avais que dans l'air on traçait me reviennent et me font un refuge où je suis de passage. Je suis de passage. Maison ancienne, habitée de mes chers oubliés. Ils ne me voient, mais ils me laissent les regarder qui vont tout à l'heure passer. Le temps que j'avais des paysages que dans l'air on traçait me reviennent et me font un refuge où je suis de passage. Seguim amb la seva música, escoltarem fins a quatre cançons de Guillem Stankiewicz d'aquest disc que ens portava el 2016. En altres programes anirem introduint més de les seves cançons. Guillem Stankiewicz ens portava aquests dos temes que havíem sentit, el primer que us havíem presentat, i ara ens escoltarem San Francisco del Deserto. San Francesco del deserto, il n'y a pas de bateau qui nous mène au désert par le chemin vers d'eau. Il n'y a pas de bateau. San Francesco del deserto, homme de peu de mots, tout de brume et de rêve, tu fais taire les oiseaux et tu dors, Francesco. Francesco, comme nous passions en bateau, il nous semble à te voir. t'abîmer dans les eaux, te noyer, te noyer. San Francesco del deserto, passo passo les bateaux, sans te voir, il est perdu à peine hors de l'eau, et tu dors, Francesco. San Francesco del deserto, rien ne bouge sur ta peau. C'est la nuit que tu préfères le silence des oiseaux. C'est te perdre, Francesco. Francesco, comme nous passions en bateau, il nous semble à toi t'abîmer dans les eaux, te noyer, te noyer. Quand l'oreille contre la pierre collée, contre la pierre rêche, contre la peau rêche, rêche contre rêche, on s'est donné les mains de mort me cherchent, fouille l'ombre, cherche quelqu'un à hanter. Toutes ces nuits passées à la nuit sondée, c'était bien vous que j'attendais, c'était vous, familier, étrange et oublié, c'était vous qui veniez sur mon sommeil veiller. Mes lumières prises dans la pierre taillée, que les voix de mes pères enchâssées dans le rocher que je me suis donné. Et toi, que feras-tu de ma voix le jour où tu la retrouveras? Sauras-tu l'attendre, sauras-tu l'entendre dans la pierre quand je ne serai plus là? Sauras-tu m'écouter, m'invoquer, me faire chanter, joindre ta voix à la mienne quand tu l'entends? Així hem entrat amb el nostre espai Guillem Stankiewicz des del 2016 amb el seu EP i la seva música que ens ha servit per presentar-nos-la, una recomanació de la nostra companya i amiga Mònica Recio, que també ens hi ha fet arribar amb aquest programa. Fa uns 6 espais, de fet, dels primers d'Eulala Music, us presentàvem la música de Calogero. Avui el nostre company i amic l'Àngel Rodríguez ens en fa la presentació dins el seu mini espai que ens acompanya cada setmana a Eulala Music. Benvingut, Àngel. Què tal, Rafel? L'artista que us recomano avui es diu Calogero, nascut el 1971 a Etxeroles, a la regió del Roine. Era el cantant del grup francès Les Chars fins que l'any 2000 va decidir anar en solitari i convertir-se en una de les grans veus del pop francès. Us proposo avui la peça Jeju de la Musique de l'estiu del 2017. Amb tots vosaltres, Calogero. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique. Je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare. Estàs escoltant Eulala Music,

par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Tu penses sûrement que c'est des paroles en l'air. Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer. Je n'arrive même plus à voir tes défauts. Je t'ai même laissé avoir le dernier mot. Je t'aurais même donné ce que je n'avais pas. J'ai su que c'était toi depuis le départ. Je saigne encore. Je saigne encore. Je saigne encore, mais je t'attends depuis longtemps. Je saigne encore. Je saigne encore. Je saigne encore. Je saigne encore. Et par amour, par amour, je te laisse me guider. Par amour, par amour, tu m'emmènes. Aturada en el camí de la selecció musical que us porto jo, ja sabem que Olala Music es vesteix sola amb els vestits que trio jo, però que m'encanta que molts complements els portin els nostres amics, els nostres companys. Tenim les col·laboracions de gent que ens escolta, dels nostres col·laboradors habituals. Hem escoltat a l'Àngel Rodríguez, però un dels que em fa més il·lusió també per la proximitat que tenim amb ell és el company Cyril Torres, que una vegada més ens portarà el seu segment per permetre'ns no descobrir un grup, perquè crec que el grup que ve a continuació sí que ja alguna vegada és un clàssic, no només d'aquest programa sinó d'altres programes que l'han precedit, però sí possiblement aquesta cançó. Cyril, benvingut i gràcies per estar de nou entre nosaltres. Gràcies, Rafel. Efectivament, un dia més, com dius tu, i un dia més dels molts més que encara ens falten per fer coses junts i per seguir doncs, compartint música. Sí, arriba el moment doncs, de recuperar en aquest cas doncs, una peça que efectivament d'una formació que ja hem sentit moltes vegades en aquest programa i en d'altres que hem fet en aquesta emissora. Suposo que comencem a ser grans quan hi ha cançons que ja fa 20 anys que les hem posat gairebé, però ells són els Bison Abyssaux, que són, eren una jove formació en el seu moment, quan a finals del segle XX, d'alguna manera, el rap i el hip-hop surten de lo que és la càpsula americana o lo que s'entenia i explota realment a nivell mundial amb les noves tecnologies, amb la facilitat per fer gravacions i aquestes coses. I els primers que es posicionen, els primers que ho entenen generalment són els africans, perquè tenen tota aquesta herència musical i donen la volta a qualsevol gènere. Bison Abyssaux, que són senegalesos amb un peu molt implantat a França també, que és el que permet tenir accés a segurament una tecnologia o uns mitjans que en aquell moment en els estudis africans no hi havia, varen revolucionar absolutament el panorama del hip-hop a Àfrica i jo diria que a nivell mundial. En aquest cas, un tema amb un missatge molt també molt contingut que es diu de la por de chef, o sigui, en la pell d'un cap. Bison Abyssaux. Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un chef. Bison Abyssaux dans la famille, on a tout F. Bref, j'encaisse tout ce que j'entreprends vaut de l'or. On m'a nommé ministre du sport. Continuons à jouer au foot sur les pierres. Laissons la BR à la médecine et à nos grands-pères. Fier car l'esprit sportif règne sur les terrains. La corruption a fait de moi le ministre le plus malin. L'argent appelle l'argent. Le bénéf, moi j'encaisse, je laisse rien dans la caisse. Mongo est convaincu, mongo. Le temps est si bref, juste dans la peau d'un chef. On m'a nommé, nommé. Je joue fidélité à ma patrie. Prie pour le développement de mon pays qui sombrait dans la décadence. Faites-moi confiance, je jure de me bourrer la poche. On lui a dit, monsieur le ministre, on vous confie un portefeuille. J'ai reculé d'un pas et là j'ai dit faut que je le recueille. L'aménagement du territoire, changez vos paysages. On dort très bien dans nos villages, moi. L'argent appelle l'argent. Rien que du bénéfice, je

Acabem el programa d'aquesta setmana d'Olala Music. Ens han acompanyat diversos artistes. Hem començat amb Guillem Stankiewicz i després en Dadju, però també les col·laboracions de la Norma, de l'Àngel Rodríguez i d'en Cyril Torres. Després aquests dos temes versionats de la Bàrbara. I acabem el programa des d'un àlbum que es diu Carta Postal, del 1981. Francis Cabrel, l'artista nascut el 23 de novembre del 53 a Agen, a França, ben a prop, ens portarà aquest Com una Madonna Oblidé, Com una Madonna Oblidada. La seva música, doncs, tanca avui una nova edició de l'Ala Música, que espero, desitjo que hagi estat del vostre grat. Fins la propera. La même fille attend sur le même square, le même banc, comme une madone oubliée, les jambes croisées. Elle voyage au milieu des maisons dans la nuit bleue de télévision. Comme les fantômes légers, les voiles fumées. On dit qu'elle a des chambres en ville, on dit qu'elle dort sur le côté, qu'elle est plutôt d'humeur facile, qu'on ne la dérange jamais, qu'il y a des tas de chats qui dorment en travers sur ses oreillers, au milieu du parfum des hommes. Et même si tout ça c'était vrai, au milieu des feuilles et des brindilles, elle fait son show sur talons aiguilles. Elle joue son cinéma muet, elle tend ses filets les allées du square s'imprime le pas de ces futures victimes qui viendront s'incendier le cœur aux étranges lueurs. On dit qu'elle est l'amie fidèle de ceux qui n'osent pas parler, connaît le chant des sirènes et qu'elle peut aussi le murmurer, qu'il y a des tas de gens qui l'aiment et qui ne lui sourient jamais, que ce ne sont jamais les mêmes. Et même si tout ça c'était vrai, quels que soient les murs qui te protègent, un soir tu te prendras à son piège, le soir où tu seras devenu une ombre de plus. Car tous les soirs la même fille attend sur le même square et sur le même banc, comme une madone oubliée, les gens